le non-être va se comporter comme le sparadrap du capinanadoc, c'est-à-dire vous allez vouloir vous en débarrasser, il n'existe pas, mais en fait il va rester là, ailleurs, se déplacer, et finalement devenir un problème en lui-même. Pour Aristote, le vide n'existe pas. Alors, pour Aristote, le vide n'existe pas parce que la nature l'a en horreur. Et ce sentiment d'horreur que la nature éprouve pour le vide agit comme une force sur les objets, sur les phénomènes. Par exemple, vous avez constaté qu'on peut assez facilement faire glisser une plaque de métal sur une autre, mais s'il s'agit de les écarter l'une de l'autre, ça devient beaucoup plus difficile. Explication, en les écartant, vous créez entre elles un vide que la nature ne supporte pas, et elle demande donc aux plaques de bien vouloir résister à ce mouvement que la nature n'aime pas. Alors ça c'est un raisonnement, il y en a eu d'autres. Démocrite, lui, dit au contraire, puisque les objets se déplacent dans l'espace, il leur faut bien de la place pour pouvoir se mouvoir, donc le vide existe forcément. Absolument, mais là encore, faut se faire attention au vocabulaire, parce que moi je dis pas le grec ancien, mais des amis proches qui le parlent couramment, si j'ose dire, on dit que le mot vide n'existe pas dans les textes de Démocrite. Il parle de méden, qui veut dire le néant, le non-être, justement, en grec. Et donc, quand on dit qu'il parle du vide, on projette dans sa pensée une notion qui est ultérieure à sa pensée. Et donc, peut-être qu'on fait un contresens. Une sorte d'anachronisme, en quelque sorte. Exactement. Un anachronisme qui vient du fait que quand on reconnaît un mot dans un texte très ancien, on a l'impression qu'il porte le sens que nous lui donnons, alors que l'évolution des idées rend peut-être les choses incommensurables. Alors c'est assez tentant de jouer sur les mots quand on devise sur le vide, car ce mot revêt de nombreux sens dans le langage courant, encore aujourd'hui. Il y a le vide de l'ennui qui semble vous être étranger, Étienne Klein. Puis il y a le vide que l'on surplombe quand on escalade une paroi en montagne. Ce vide-là parle beaucoup plus à l'alpiniste que vous êtes, comme il parle à tous les alpinistes d'ailleurs. Ici, le célèbre Gaston Rebuffat en 1968. Le vertige, est-ce que vous l'avez jamais eu dans votre vie? Non, moi j'ai pas le vertige, mais par contre, de temps en temps, j'ai l'appréhension du vide. Je dois vous dire au départ, au fond, c'est que j'exerce mon métier de guide, surtout dans le massif du Mont Blanc, qui est un massif granitique, qui procède par des ressauts, il y a 20 mètres verticaux ou 30 mètres verticaux, un replat, ainsi de suite, pendant, mettons, 1000 mètres ou davantage. Là, je suis parfaitement à l'aise. Ça me demande pas plus d'effort que d'être assis face à vous. Par contre, quand je vais dans les Dolomites, alors il y a une image derrière moi qui représente précisément les Dolomites, ce sont des constructions calcaires, et souvent là, alors, ces parois sont géométriquement verticales, ça veut dire que si on laisse tomber une pierre au sommet, elle touche rien, elle va droit en bas, et parfois même géométriquement en surplomb. Alors là, pendant les deux ou trois premiers jours, j'ai quelque chose qui me pèse un peu sous les pieds, et quand je regarde vers le bas, j'ai vraiment l'appréhension du vide, et il faut que je fasse un effort, d'abord de lucidité pour me rendre compte de ce que c'est seulement, si je puis dire, puis peu à peu vaincre cette appréhension. Je vous vois écouter en connaisseur Étienne Klein, Gaston Rebuffat, sur ses considérations sur le vide. C'est très émouvant d'entendre Rebuffat, de voir avec quelle précision parlent les alpinistes, qui sont toujours un verbe très adapté à la situation. Et les alpinistes sont des gens étranges parce qu'ils appellent vide ce qui est en dessous d'eux, c'est-à-dire ce dans quoi ils peuvent tomber, qui est beaucoup moins vide que ce qui est au-dessus d'eux. D'autres, parfois, parlent de gaz plutôt que de vide, mais c'est comme si la gravité qui s'impose à eux, et pour cause, avait orienté la façon qu'ils ont de percevoir l'espace. Ouais. Alors oui, vous parlez avec passion, de la montagne, vous dites « elle aimante le regard des alpinistes qui y distingue un irrésistible prétexte au tutoiement du vide radical ». Bah oui, moi j'aime être dans le vide, à condition évidemment d'y être confortablement installé, encordé à mon ami guide, et évidemment je ne pratique pas ce qu'on appelle le solo intégral, qui dépasse mes compétences et mes envies. Ouais. Alors le vide de la montagne ne manque pas d'air, c'est ce que vous suggériez, et plus on est en basse altitude, plus il y en a d'air, donc ça n'est pas vraiment le vide. Il a fallu du temps pour le comprendre, ouais. C'est le tournant du XVIIe siècle, quand Galilée, Torricelli, Blaise Pascal font des expériences qui démontrent qu'on peut réaliser un certain vide, y compris sur Terre. Et ils comprennent que ce qu'on appelait l'horreur que la nature a pour le vide, c'est en fait dû à l'existence d'une pression atmosphérique qui est très intense, qui vaut 10 tonnes par mètre carré. Et donc, dès que vous créez du vide dans une enceinte au sein de l'atmosphère, le moindre orifice, sous l'effet de la pression atmosphérique, va faire entrer de l'air, de sorte qu'il sera très difficile de réaliser ce vide. Alors Galilée, les premières expériences qu'il fait avec Torricelli, c'est justement à cause d'un problème d'hydraulique. Les fontaines de Florence posent un problème, les jets d'eau ne vont pas assez haut, alors on lui soumet cette question. En effet, ça c'est ce qui se passe en 1640 à peu près, mais avant, Galilée, sans s'intéresser à la question de savoir si le vide existe, s'était dit, dans un univers ou dans un espace qui serait vide, les lois du mouvement seraient beaucoup plus simples. Donc il a compris que le vide, c'est une sorte de cas idéal qui permet de comprendre les lois fondamentales de la physique. Et alors ça, c'est ce qui va l'amener à dire que tous les corps, quelle que soit leur masse, tombent à la même vitesse dans le vide. Ce qui n'est pas ce que nous voyons, surtout à son époque où personne ne sait faire le vide. C'est-à-dire qu'à son époque, si on lâche évidemment une plume et puis une bille de fonte, évidemment ça ne tombe pas à la même vitesse. Mais aujourd'hui encore. À cause de la résistance de l'air, les deux objets ne tombent pas à la même vitesse. Et lui, c'est une expérience de pensée. Hein, voilà, vous le dites très il bien. Montre que si on imagine, comme le pensait Aristote, qu'une grosse pierre tombe plus vite qu'une petite pierre, que se passerait-il, c'est une sorte d'expérience de pensée, on imagine, on se pose la question, que se passerait-il si on attachait la grosse pierre à la petite pierre par une ficelle. L'ensemble est plus lourd que la grosse pierre. Donc d'après Aristote, va tomber plus vite que la grosse pierre lorsqu'elle est seule. Mais en même temps, on doit considérer que pendant la chute, la petite pierre qui tombe moins vite va tendre la corde et faire parachute, et donc ralentir la chute de la grosse pierre. Donc l'ensemble tombe plus vite et moins vite. D'après Aristote, comment résoudre le paradoxe ? En disant que les deux pierres tombent à la même vitesse, ce qui n'est pas ce que nous voyons. Alors, il y a ensuite, ça c'est les premières théories qu'il fait, c'est-à-dire que ensuite, dans la période où, on en a déjà d'ailleurs parlé dans cette émission, où il se retrouve assigné à résidence pour ses positions sur l'espace et sur les planètes, il va être confronté à cette question très pratique, pour le coup, des fameuses fontaines de Florence. Voilà, c'est le point que vous abordiez, les fontainiers de Florence, qui est la ville la plus resplendissante de la Renaissance, les fontainiers dans cette ville veulent que les fontaines soient les plus spectaculaires possibles. Et donc, ils utilisent des pompes à eau pour pomper l'eau du fleuve qui coule à Florence, qui s'appelle l'Arno. Et certaines de ces pompes sont installées sur les ponts qui surplombent la rivière. Et ils constatent que quand la hauteur de la pompe est supérieure à une certaine valeur qui vaut 18 coudées, dans leur vocabulaire ça fait à peu près 10 mètres, eh bien ils ne parviennent plus à faire monter l'eau plus haut. Une sorte de limite. Ils pensent que c'est un problème technique, ils convoquent des artisans, des ingénieurs qui essaient de trouver des solutions techniques et n'en trouvent pas. Et en désespoir de cause, ils écrivent une lettre à Galilée qui habite tout près, qui est vieux, hein, il est 1640, il est à 2 ans de sa mort, il est déjà aveugle. Et son assistant Torricelli lui lit la lettre et Galilée comprend que cette limitation que rencontrent les fontainiers ne vient pas d'un problème technique, mais d'un problème de physique. La nature n'a pas horreur du vide. Et s'il n'arrive pas à pomper au-delà de 10 mètres, c'est parce que le poids de l'air, dû à la pression atmosphérique qui appuie sur le liquide, le fleuve en l'occurrence, je le dis, c'est 10 tonnes par mètre carré, ne permet pas de monter l'eau à une hauteur plus grande que 10 mètres, même si en haut de l'eau, dans le tube de la pompe, on réalise une très basse pression. Alors non, la nature n'a pas horreur du vide. On a encore cette idée en tête finalement. Vous le donnez avec un exemple très simple. Vous dites quand on aspire avec une paille le contenu d'un verre, on se dit que c'est le vide qui aspire le contenu. On n'imagine pas que c'est la pression qui appuie sur le reste du liquide. Oui, j'ai fait un petit sondage auprès de mes amis. Qu'est-ce qui se passe quand vous buvez du jus d'orange avec une paille? Ça fait monter le jus d'orange dans la paille. Ce qui est quand même bizarre parce que la gravitation pousse au contraire à ce que le liquide reste en bas, mais quand on demande aux gens l'explication, ils pensent que l'horreur que la nature a pour le vide agit comme un antidépresseur. C'est-à-dire, vous faites une dépression dans la paille, et comme la nature n'aime pas que le vide apparaisse, elle demande au jus d'orange de bien vouloir monter. Alors qu'en fait, c'est justement ce que comprend Galilée, Torricelli et ensuite Pascal, c'est la pression qui appuie sur le jus d'orange, qui est dans le verre. La pression sur le jus d'orange qui est dans la paille, elle est diminuée par le fait que vous aspirez de l'air. Et c'est cette différence de pression qui fait monter le liquide dans la paille. Et alors Pascal va affiner le raisonnement, puisque lui, il va faire des expériences, enfin il va faire plus exactement à son cousin qui habite près du Puy de Dôme. Son beau-frère qui habite près du Puy de Dôme. Il va lui demander de faire des expériences à différentes altitudes. Et ce qu'il imagine, c'est puisque c'est la pression atmosphérique qui appuie, selon l'altitude, elle n'appuiera pas de la même façon. Voilà, il écrit à son beau-frère, Florin Perrier, qui habite à Clermont-Ferrand. Pascal, à l'époque, il habite à Rouen ou à Paris, donc il a pas de montagne près de chez lui. Et son beau-frère va réaliser l'expérience en 1646. Donc il prend un baromètre au mercure, inventé par Torricelli, en laissant au pied de la montagne,

blind. But since I've opened my eyes, and with you there's no disguise, so I could open up my mind. I belong to you, c'était Lenny Kravitz. À cause de cette peur du vide que j'ai, cette acrophobie. France Inter. Je me réveille la nuit, je vois ce malheureux tomber du toit pendant que j'essaie de l'atteindre. Du vent dans les synapses. Ce qui me donne des vertiges chaque fois que je sens le vide. Daniel Fievé. Et des questions vertigineuses, vous en abordez dans votre livre, Étienne Klein, paru chez Actes Sud, ce qui est, sans être tout à fait, essai sur le vide. En vous interrogeant sur le vide, vous en venez à vous questionner sur l'origine de l'univers. Et assez rapidement, la question est abordée dans votre ouvrage. Est-ce que ce qu'il y avait avant que tout commence, avant l'univers, c'était du vide ? Alors ça peut être le vide quantique, hein, qui est un vide assez particulier, mais la question est discutée. Et puis à chaque fois qu'on nomme, qu'on désigne précisément l'origine de l'univers, on prononce une phrase qui annule l'idée même d'origine. Parce que si je dis qu'en amont de l'univers, il y avait telle ou telle chose qui a précédé toutes les autres, eh bien, où cette chose que je mets en avant de toutes les autres a toujours été là, ce qui veut dire qu'il y a toujours eu quelque chose, et d'une certaine façon, ça veut dire que l'univers n'a pas eu d'origine. Ou bien cette chose qui est en avant de toutes les autres n'a pas toujours été là, ce qui veut dire qu'elle a été l'effet d'une cause qui l'a précédée, et dans ce cas, ça n'est pas l'origine. Vous dites dans votre ouvrage que les scientifiques ne parlent jamais d'origine et de création ex nihilo, mais de transformation. Oui, parce que pour un scientifique, le mot origine veut dire conclusion. Expliquer l'origine des atomes, par exemple, c'est raconter l'histoire qui a précédé l'apparition des atomes et dont les atomes sont l'aboutissement. Et donc, l'origine des atomes, c'est l'histoire qui a conduit à leur apparition. Quelle est votre définition à vous du vide, si vous en avez une après toutes ces réflexions ? Alors on a expliqué tout à l'heure que le vide et le néant sont deux choses différentes. Ouais. Ça veut dire que le vide c'est quelque chose de particulier. Et précisément ce quelque chose de particulier ne peut pas être retiré quand on fait le vide, sous peine de faire du vide un néant qu'il ne peut pas être puisqu'on a dit qu'ils étaient différents. Ne parlez pas trop vite hein, pour qu'on vous suive. Alors la conclusion à laquelle j'arrive c'est que le vide a une définition qui est circulaire puisque dans les dictionnaires on devrait trouver cette phrase « Le vide c'est ce qui reste quand on a tout enlevé », sauf le vide. Bon, et débrouillez-vous avec ça. Donc on n'est pas très avancé. Non. Et du coup, pour le définir un peu plus précisément, il faut une théorie physique. Une théorie physique, c'est un formalisme qui vous dit ce qui existe. Et le vide, c'est ce qui reste quand vous avez retiré tout ce que la théorie vous dit que vous pouvez retirer. Je vais prendre un exemple très simple. La mécanique de Newton qu'on apprend au lycée, qui nous dit qu'il existe dans l'univers trois sortes de choses. L'espace, le temps et la matière qui apparaît sous forme de corps matériel. Eh bien, le vide dans cette mécanique, c'est ce qui reste quand vous avez retiré tous les corps matériels. Donc, c'est l'espace vide, sans rien à l'intérieur, et puis le temps. Donc, le vide newtonien est un vide idéalisé qui n'existe pas parce que on sait que dans l'univers, partout, il y a quelques atomes qui traînent. Et puis, il y a surtout ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique, qui est le reliquat en termes de lumière de ce qui s'est passé 300 000 ans ou 380 000 ans après le Big Bang, une sorte de lumière résiduelle qui est partout présente, de sorte que l'espace vide au centre de Newton est introuvable dans l'univers. Oui, c'est ça. Au fur et à mesure que la physique et les théories évoluent, de toute façon, le vide se transforme, et parfois on fait fausse route, hein, puisque il y a encore un siècle, on a imaginé que l'espace ne devait pas être complètement vide puisque la lumière traversait l'espace, la lumière des étoiles arrivait jusqu'à nous. Il lui fallait bien un support à cette lumière, donc on a imaginé que ce vide était plein de quelque chose. Absolument, au 19e siècle, on comprend que la lumière est un phénomène ondulatoire et on se dit, bah, finalement, c'est comme le son ne se propage pas dans le vide. La lumière, c'est pareil, et donc il doit exister un milieu qui vibre au passage de la lumière et qui lui sert de support. Ce milieu, on l'a appelé l'éther luminifère, et il était censé coloniser tout l'espace, être présent en tout point de l'espace. Et puis on a essayé de comprendre ses propriétés, et à la fin du 19e siècle, on comprend que s'il existe, et personne ne doute qu'il existe, il doit être absolument immobile, constituer une sorte de référentiel absolu, alors même que cette propriété-là est contradictoire avec le principe de relativité de la mécanique, qui dit que tous les référentiels sont équivalents, il n'y a aucun référentiel dont on puisse dire qu'il est plus immobile que les autres. Donc il y avait une sorte de contradiction. Ouais. Et celui qui a montré que on pouvait facilement résoudre cette contradiction en postulant simplement que l'éther luminifère n'existe pas, s'appelle Albert Einstein. Et lui, il a en quelque sorte vidé l'espace-temps en le débarrassant de l'éther et en revenant finalement à une notion plus classique du vide. Finalement, on en est arrivé à la conclusion que la lumière pouvait traverser un espace vide sans cet éther luminifère. Ça veut dire quoi de la nature de la lumière? Comment expliquer finalement que la lumière traverse le vide? La lumière a autrefois, enfin en tout cas au 19e siècle, été considérée comme un mode de vibration de l'éther. Et avec Einstein, elle devient un phénomène physique à part entière, autonome, qui n'a pas besoin de support pour se propager. La lumière se propage d'elle-même, toute seule, dans le vide. Finalement, c'est quoi la lumière? Au 19e siècle, c'est une onde électromagnétique. Et maintenant, c'est un peu plus compliqué à cause de la physique quantique qui montre que les phénomènes ondulatoires et corpusculaires sont intriqués d'une certaine façon. Ça fait poser plein de questions de s'intéresser finalement au vide. Hein. C'est ce qui est passionnant. Dans la physique contemporaine, le vide mis en scène est différent selon la théorie. Vous nous avez dit, celui qu'on comprend le mieux, c'est le vide de la théorie newtonienne. Plus simple à dire en effet. Ouais, on vide l'espace de ce qu'il contient. Alors on se dit, on a du mal à le faire parce qu'il reste toujours un ou deux atomes qui se baladent. Mais globalement, on le conçoit assez facilement. Il y a un vide qui devient bien plus difficile à concevoir, celui d'une physique dont vous dites dans votre livre qu'elle est complètement folle, c'est la physique quantique. Et il existe un vide quantique, mais qui n'a rien à voir avec le vide intuitif, comme tout avec la physique quantique. C'est quoi le vide quantique? Alors, la physique quantique, c'est la physique qui décrit les particules élémentaires, leurs interactions, les atomes. Et quand on regarde les équations de cette physique, on voit qu'on peut en effet faire le vide en retirant toutes les particules de matière, de lumière, donc on débarrasse l'espace-temps des électrons, des quarks, des neutrinos et de tout le reste. Mais ce que montrent les équations, c'est qu'une fois qu'on a fait ce travail d'évidement, il reste dans l'espace-temps quelque chose. Alors techniquement, ça s'appelle les champs quantiques associés à ces particules. Et ces champs quantiques sont adhésifs à l'espace-temps, de sorte qu'on ne peut pas les retirer. Et donc le vide quantique, c'est l'espace-temps plus ces champs qui sont dans l'état d'énergie minimale qu'ils peuvent avoir, et ça constitue en quelque sorte le minimum de ce qui doit exister pour que le monde matériel soit possible. Le vide quantique, c'est le réservoir de tous les possibles. Il est rempli de particules qu'on appelle virtuelles. Elles sont là, mais pas vraiment là, au sens où elles n'ont pas assez d'énergie pour exister vraiment. elles sont fatiguées. Mais vous vous rendez compte que c'est très dur hein, de conceptualiser ce que vous nous dites, c'est-à-dire des particules qui sont là sans être là, et si on leur donne l'énergie qu'il faut, elles apparaîtront. Oui, elles traduisent par leur existence, qui est virtuelle, les potentialités d'existence de tous les objets matériels que nous connaissons. Et donc c'est en effet difficile à imaginer, mais on peut faire des expériences sur le vide quantique. Il y a l'effet Casimir qui est assez célèbre et que je raconte dans le livre. Et puis il y en a d'autres qui sont faites avec des grands collisionneurs de particules qui permettent de réchauffer le vide quantique et d'en faire sortir des particules réelles en donnant de l'énergie aux particules virtuelles qui ne réclament que ça. C'est ce qui s'est passé en 2012 avec la détection d'une particule dont la théorie avait prévu l'existence, le boson de Higgs. Pour les physiciens du monde entier, le boson de Higgs, c'est en quelque sorte le Graal. Certains n'ont d'ailleurs pas hésité à le surnommer « particule de Dieu ». Sans le boson de Higgs, les particules nées du Big Bang seraient restées éparses dans le vide sidéral. C'est lui qui leur a permis de s'agglomérer pour former des étoiles et des planètes. Le boson, c'est un peu comme une star qui rentre dans un salon. Dès son apparition, les fans vont s'agglutiner autour d'elle et tous leurs mouvements vont se faire en fonction des siens. Pour Peter Higgs, qui a subodoré son existence en 1967, passé 50 ans à le chercher et surtout lui a donné son nom, l'émotion ce matin était intense. C'est une découverte incroyable. Je ne pensais pas voir cela de mon vivant. C'est grâce au fameux LHC, le super accélérateur de particules enfoui dans le sous-sol suisse, que l'insaisissable boson a pu être capturé. Dans ces tunnels, on a reproduit le Big Bang en miniature. Et c'est lors de ces explosions qu'une particule présentant toutes les caractéristiques du boson de Higgs a été découverte. Extrait du journal de 20h de TF1 le 4 juillet 2012, le jour de l'annonce de la découverte du boson de Higgs. Comment faut-il se le représenter, ce boson de Higgs, Étienne Klein ? Bon, c'est une histoire magnifique, hein, l'histoire du boson de Higgs, puisqu'il a été prédit par trois physiciens en 1964. C'était des théoriciens, Peter Higgs, qu'on vient d'entendre, François Englert et puis Robert Brout. En 1964, donc, ils ont imaginé qu'en fait, la masse des particules élémentaires ne vient pas d'elles-mêmes. C'est pas une propriété primitive. En fait, elles sont sans masse. Mais elles acquièrent une masse par leur interaction avec le vide, qui n'est pas vide. Il contient un champ quantique, auquel sont associés des quantas, comme le réclame la physique quantique. Et ces quantas du champ de Higgs, c'est les bosons de Higgs qu'on a pu détecter en 2012, en effet, en faisant des collisions de protons à très haute énergie. L'énergie des protons a été transférée aux particules, en l'occurrence les bosons de Higgs, qui étaient dans le vide quantique. Ces particules sont devenues réelles, sont sorties du vide, se sont désintégrées et leurs produits de désintégration ont pu être repérés grâce au grand détecteur du LHC. Ouais. Alors donc il faut l'imaginer, ce champ de Higgs qui confère au reste de la matière sa masse, comme quelque chose qui accroche, comme quelque chose qui retiendrait la... Il y a une analogie qu'on utilise souvent, elle est critiquable mais elle est quand même éclairante. L'idée c'est que le champ de Higgs, c'est comme un champ de neige. Partout présent. Il y a de la neige avec une épaisseur qui est constante, uniforme. Et puis, il faut imaginer que les particules qui sont sans masse ont des skis aux pieds, qui sont plus ou moins bien fartés. Les particules qui ont des skis parfaitement fartés vont glisser sur la neige sans frottement. Et nous qui les voyons passer, nous dirons qu'elles ont une masse nulle et qu'elles vont à la vitesse de la lumière. Et puis, celles qui ont des skis mal fartés vont frotter sur la neige, leur vitesse sera ralentie. Elles iront donc moins vite que la vitesse de la lumière. Et puis, nous leur attribuerons une masse qui est liée à l'interaction qu'ont leurs skis avec ce fameux champ de neige. Et donc, la masse des particules élémentaires est simplement une mesure de la mauvaise qualité du fartage de leurs skis. Ouais, on comprend bien, en tout cas, avec cette image. C'est une analogie qui est critiquable, mais elle permet de comprendre l'idée. Ouais. Mais alors, ce champ de Higgs, ce champ de neige, par analogie, il est partout, tout le temps, en tout point de l'espace, même dans les sphères dont on parlait tout à l'heure, qui restaient collées et impossibles à décoller par les attelages de chevaux, le champ de Higgs, il était à l'intérieur. Il est partout présent, le vide quantique est rempli de ces champs qu'on ne peut pas extraire, donc ils font partie de lui, ce qui veut dire que le vide peut être plein, mais lorsqu'il est plein, il est plein de choses qu'on ne peut pas lui ôter. Et donc le vide, c'est plus tout ce qui reste qu'on a absolument tout enlevé, c'est une sorte d'état minimal, de prologue de la matière qui contient toutes les potentialités que la matière peut manifester. C'est une sorte de réservoir de tous les possibles. Finalement, Aristote n'avait pas tort quand il disait que le vide n'existe pas. Oui, mais tant qu'il n'a pas précisé ce qu'il entend par vide, oui, on peut évidemment lui donner raison. Oui. Au-delà de ces particules élémentaires, les physiciens pensent que l'essentiel de ce qui constitue l'univers est constitué de matière noire, d'énergie noire. Alors là, on laisse de côté toutes les particules dont on a parlé, on rentre dans une partie de la physique complètement énigmatique, c'est-à-dire qu'on imagine que cette matière existe, pour que les équations tournent bien, il faut qu'elle existe. Mais par contre, on n'a pas la moindre idée de ce dont elle est faite, cette matière noire, et on imagine qu'il y en a tout autour de nous. Donc là encore, ça fait un vide bien plein de quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est un problème récurrent dans l'histoire de la physique. Vous avez une théorie dans laquelle vous avez confiance. En l'occurrence, pour la gravitation, c'est la théorie d'Einstein, qu'il a publiée en 1915, qui s'appelle « La relativité générale ». C'est une théorie magnifique qui a permis de prédire l'existence des ondes gravitationnelles qui ont été détectées en 2015, alors qu'Einstein les avait prédites dès 1916. Donc, on a une théorie qui est vraiment très solide. Mais quand on regarde la dynamique des galaxies, la façon dont elles tournent sur elles-mêmes, la façon dont elles interagissent entre elles, on voit que c'est conforme à ce que nous savons de la gravitation, à condition de mettre dans les équations 10 fois plus de masse que celle qui est visible. Et donc, il y a une sorte de contradiction entre les calculs et puis les observations. Et quand il y a une telle contradiction, il y a 2 hypothèses possibles, 2 réactions possibles. Soit on se plante complètement. Non, la première, c'est de dire que les équations sont fausses. Ouais, c'est ça. Il faut en changer. Ouais. Et donc, c'est ce qu'on appelle une solution législative. On essaie de trouver une nouvelle théorie qui peut rétablir l'accord entre ces prédictions et l'observation sans avoir à faire appel à quelque chose qu'on n'aurait pas vu dans l'univers. L'autre solution, c'est de dire, il doit exister dans l'univers quelque chose qu'on n'a pas encore détecté, qui, s'il existe, rétablit l'accord entre les observations et la théorie. Et en l'occurrence, ce quelque chose qui devrait exister pour que les équations restent valables, c'est ce qu'on appelle la matière noire. Et on sait depuis pas mal de temps que si elle existe, elle n'est pas constituée des particules que nous connaissons. Alors il y a des candidats possibles, les théoriciens ne manquent pas d'idées, mais pour l'instant, on n'en a détecté aucune. Ouais. Et si elle existe, elle est présente autour de nous dans ce que l'on appelle le vide. Voilà. Elle remplit le vide. Elle noircirait le vide. Elle noircirait le vide, exactement. En physique, le mot vide a des sens différents, hein, on l'a compris. Toute la difficulté, c'est que les concepts et les connaissances évoluent alors que le vocabulaire, lui, reste le même. C'est une difficulté. C'est une difficulté. Moi, je le raconte dans le livre, j'ai rencontré une de mes voisines, Alanine Lacroix, un matin, j'étais un peu fatigué, elle m'a dit « Étienne, vous devriez apprendre à faire le vide. Ouais. » Vous dites même que c'est l'origine du livre, je ne sais pas si c'est pour l'histoire. Et en fait, ce qui m'avait frappé dans cette phrase tout d'un coup, c'est la contradiction qu'il y a entre le verbe « faire » et le mot « vide ». Parce que « faire », c'est un verbe d'action. Il faut faire quelque chose, mais « vide », c'est associé au rien. Donc, dès que vous commencez à faire quelque chose, il faut vous arrêter de le faire. Et puis ensuite, évidemment, mon questionnement s'est déplacé sur ce mot « vide », qui est un mot du langage courant, en me demandant qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot et comment est-ce qu'on peut clarifier le langage pour que ce que savent les physiciens, de nouveau, soit mieux dit par le langage ordinaire. Après vous êtes intéressé, Étienne Klein, au temps, à la matière et maintenant au vide, y a-t-il une autre notion que vous aimeriez explorer ? Non, je crois que pendant un certain temps, je vais essayer de vraiment faire le vide. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Ce qui est sans être tout à fait, essai sur le vide » aux éditions Actes Sud. Un grand merci à vous, Étienne Klein. Merci à vous. À 16h, nous partirons observer les chimpanzés en Ouganda avec la primatologue Sabrina Krief, qui observe une communauté de chimpanzés sauvages dans un parc naturel depuis de nombreuses années. Et dans un instant, ce sera la revue d'actu de la semaine avec Cécile Bonneau et Mathieu Novak. Et j'espère que t'as pas le vertige, parce qu'un faux pas et tu te retrouves 20 mètres plus bas. Alors arrange-toi, t'as pas le droit de tomber. Tes émotions qui montent trop vite, les sensations retombent trop vite, passer du rire aux larmes si vite. Hey, hey, les sentiments dressés sans suite, le parfum qui t'enivre trop vite, passer du rire aux larmes si vite. Je ne sais pas pourquoi tu pleures. T'as l'impression qu'on t'ignore. Quitter la fête avant la fin. Claquer la porte avec fracas. On ne s'inquiétera pas pour toi. Tu fais ça 2 fois sur 3. Tes émotions qui montent trop vite. Les sensations retombent trop vite. sentiment cassé sans suite. Le parfum qui t'enivre trop vite. Passer du rire aux larmes, c'est vite. Hey, hey, tes émotions qui montent trop vite. Les sensations retombent trop vite. Passer du rire aux larmes, c'est vite. Hey, hey, les sentiments cassés sans suite. Le parfum qui t'enivre trop vite. Passer du rire aux larmes, c'est vite. Tu vas abîmer ton cœur à trop vivre plus fort que tout. Hypersensible et sauvage dans ta tête comme dans une cage. T'as tellement besoin qu'on t'aime que t'oublies de t'aimer toi-même. Tes émotions qui montent trop vite. Les sensations retombent trop vite. Passer du rire aux larmes, c'est vite. Hey, hey, les sentiments cassés sans suite. Le parfum qui t'enivre trop vite. Passer du rire aux larmes, c'est vite. Hey, hey, tes émotions qui montent trop vite. Les sensations retombent trop vite. Passer du rire aux larmes, c'est vite. Hey, hey, les sentiments cassés sans suite. Le parfum qui t'enivre trop vite. Passer du rire aux larmes, c'est vite. C'était Isia, trop vite. France Inter. Du vent dans les synapses. Autour de la table, Cécile Bonneau de Science et Vie et Mathieu Novak de Science et Avenir. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Bonjour. Bonjour. C'est un immense espoir pour les millions de malades d'Alzheimer. Dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer, un laboratoire observe une diminution des symptômes. 4 ans de recherche est désormais un espoir pour les malades d'Alzheimer. Un réel espoir. Pour la première fois, un laboratoire américain de recherche en mars 2000, le laboratoire américain Biogen a annoncé qu'il relançait les essais sur un médicament qui pourrait réduire les symptômes de la maladie d'Alzheimer. Cette annonce a largement été reprise dans les médias, on vient de l'entendre cette semaine, comme un léger emballement. Alors Mathieu Novak, effet d'annonce ou réelle avancée ? Eh ben, un peu des deux en fait. D'abord, c'est quand même une nouveauté et une annonce très surprenante. Alors pourquoi c'est surprenant ? Parce qu'il faut se rappeler où on en est. Aujourd'hui, on n'a pas de médicament contre la maladie d'Alzheimer. Rappelez-vous, l'année dernière, en 2018, Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, a décidé de dérembourser ceux qui étaient prescrits. Ce qui a fait des histoires parce que du coup, les malades allaient être moins suivis, mais c'est un fait que ces médicaments n'étaient pas efficaces. Et le problème, il est encore plus profond que ça. C'est-à-dire que dans la recherche pour Alzheimer, on a tombé sur un gros os, c'est-à-dire que les pistes qu'on avait lancées, elles se sont révélées infructueuses. La maladie, elle reste mal comprise. Qu'est-ce qu'on sait ? On sait que dans le cerveau, il y a des protéines qui s'accumulent chez les malades. On ne sait pas très bien comment c'est lié aux symptômes, mais on voit que ça s'accumule. Alors on s'est dit, bon, on va essayer d'attaquer ces tas de protéines. Les chercheurs ont trouvé des moyens de le faire chez la souris, et ça a très bien marché. Ils s'attaquaient à ces protéines, dont une en particulier, qui s'appelle la bêta-amyloïde. Et quand les agrégats étaient détruits, les souris allaient mieux. Certaines étaient presque guéries. Donc il y avait un espoir immense. Mais hélas, quand on est passé chez l'homme, alors là, ça a été vraiment la douche froide. On voyait pas de progrès chez les malades. Et notamment l'année dernière, il y a eu des annonces en cascade. C'était Roche, Merck, Pfizer qui a décidé qu'ils arrêtaient tout. En fait, les résultats, tous, ont vu aucun progrès chez les malades. Et cette année encore, Biogen, au début de l'année, avec le japonais Eisai, ils ont stoppé leur essai qu'ils avaient lancé en 2015 avec la aducanumab, cette molécule qui était pourtant prometteuse. Ils ont arrêté l'essai parce qu'ils observaient rien. Alors, l'aducanumab, c'est le nom de cette molécule. Mais alors, comment est-ce possible que cette fois-ci, les résultats soient positifs puisqu'ils repartent de la même étude qu'ils avaient interrompue et tout d'un coup, coup de théâtre, ça marche. Oui, c'est très surprenant. En fait, au début de l'année, ils avaient des résultats partiels sur 1700 patients environ. Ils ont dit qu'ils arrêtaient parce que sur ces premiers patients, il n'y avait pas d'amélioration. Mais ils ont continué à engranger des résultats sur d'autres qui avaient été traités avec des doses plus importantes. Parce que dans un essai clinique, souvent, on fait des doses de plus en plus importantes. Donc, ils ont eu cette deuxième part de données. Donc là, on a eu des résultats sur 2000 patients. Et chez eux, ils disent qu'ils ont vu une réduction du déclin cognitif. Alors attention, hein, contrairement à certaines annonces qu'on a pu entendre, c'est une réduction du déclin, c'est-à-dire que c'est pas que les symptômes qui diminuent, c'est la maladie en fait qui progresse moins vite. Alors dans ce déclin, il y a les problèmes de mémoire, d'orientation. Apparemment, il y a eu des bons progrès sur toutes les questions d'autonomie, mais on n'a pas les résultats complets, ce qui nous permet pas encore de savoir exactement ce qu'ils ont observé. Ce n'est donc pas un remède miracle et il faut rester très prudent. Hein, oui, il faut rester prudent. Justement, vous me posiez la question, est-ce que c'est un effet d'annonce ? C'est aussi un effet d'annonce parce que il faut se rappeler que Biogen est une entreprise qui va mal. C'est une société qui est spécialisée dans la sclérose en plaques, où aujourd'hui les traitements, il y a beaucoup de concurrence. Quand ils ont dit qu'ils arrêtaient l'étude, ils ont perdu, leur cours de bourse a chuté de 30%. Et là, avec l'annonce de cette semaine, il a augmenté de 38%. S'ils mettent ce traitement sur le marché, on estime que c'est un marché de 10 milliards de dollars. Donc il y a des histoires de gros sous derrière. Pour le moment, on n'a pas les études. On espère qu'ils vont les donner. Mais il faut rester prudent. Oui. Et on peut lire l'article sur le sujet sur le site de Science et Avenir. Ça. Oh, il avance le gros con avec sa bagnole là. Arrête de crier comme ça, tout le monde est bloqué, on peut pas bouger, arrête. Mais attends, mais il le fait exprès ou quoi ce lourd là? Oh, tu emmerdes tout le monde, hein, bouge un peu là. Nous ne sommes pas les seuls êtres vivants à devoir affronter les embouteillages, les fourmis aussi, et elles se débrouillent peut-être mieux que nous, Cécile Bonneau. Eh oui, les humains, comme les fourmis, font partie des animaux qui se déplacent en mouvement collectif. Alors ça, c'est pas si rare que ça, hein. Y a de nombreux poissons, les étourneaux, les gnous, lors des migrations, qui se déplacent en groupe, puis en gros groupe. Mais les fourmis et les humains font ça à double sens sur le même chemin. Et ça, c'est beaucoup plus rare. On peut même dire que c'est une idée saugrenue quand on voit donc les embouteillages et les énervements auxquels ça nous conduit, qu'on soit à pied ou en voiture d'ailleurs. Ceci dit, les fourmis donc se déplacent sur des petits chemins où elles passent à plusieurs centaines par minute et ça a l'air beaucoup plus facile que pour nous. On ne les voit jamais en train de s'énerver comme ce qu'on vient d'entendre. Ouais, ça veut dire qu'elles savent se discipliner sur la route, elles ? Alors, jusqu'ici, on ne savait pas bien comment se déroulait ce trafic, fluide en apparence. D'ailleurs, il aurait tout à fait pu s'agir d'une illusion, parce que vous savez que des fois, les impressions laissées par les groupes sont trompeuses. Il y a 4 ans, il y a un chercheur qui avait montré que dans une fourmilière qui, en apparence, grouillait uniformément, il y avait plein de fourmis qui ne faisaient rien de toute la journée. Elles se reposaient tranquillement pendant que les autres se tuaient à la tâche. Pas que travailleuses, les fourmis. Non. Toutes ne collent pas à la fable de La Fontaine. Ouais. Donc, il avait fallu dessiner des petits points de couleur comme ça sur les fourmis, puis les filmer pour s'en rendre compte. Donc, méfiance aussi avec la fluidité de leur trafic. Donc les chercheurs ici, ce sont des chercheurs français de Toulouse et des Américains, ils ont choisi d'étudier la fourmi argentine, qui est une espèce très invasive, qu'on trouve pas mal en Europe, et ils leur ont concocté un petit parcours sur un pont tendu entre une source de nourriture et leur nid. Et ils ont étudié le trafic avec différentes tailles de colonies, entre 400 et 25 000 individus, différentes largeurs de ponts. Ils ont fait 170 films pour étudier, bien comme il faut, la relation entre la vitesse, la densité et le flux des fourmis. Et en effet, le flux des fourmis ne s'arrête jamais. Alors, pourquoi ? Quel est ce verdict du comparo entre humains et fourmis ? Ouais. Alors nous, quand la densité augmente, on réduit notre vitesse. Plus il y a du monde, plus on ralentit. Et puis même au bout d'un moment, on ralentit tellement qu'on s'arrête, ouais. qu'on est bloqué. Les fourmis, elles, plus elles sont nombreuses, plus elles vont vite. Et ça n'augmente pas le risque d'accident ? Eh ben si, ça augmente le risque d'accident. Elles se rentrent dedans allègrement, mais elles s'en moquent parce que contrairement à nous, elles n'ont pas peur des chocs. Elles ont un exosquelette pour les protéger. Donc elles foncent. Sauf que quand les chocs deviennent trop nombreux et les ralentissent, là, elles n'accélèrent plus. Donc le flux reste constant, mais elles n'accélèrent plus. Et les nouvelles arrivantes ne s'engagent pas sur la route quand elles voient que ce flux est saturé. Elles décident d'attendre que le flux puissent permettre de les absorber pour s'insérer avec efficacité. Alors c'est vrai que nous, les humains en général, on poursuit un but individuel quand on se déplace, donc chacun veut être dans le groupe de ceux qui avancent, alors que les fourmis, comme toujours, pensent collectif et c'est bien plus efficace. Alors est-ce qu'on pourrait s'en inspirer ? Mais oui, c'est la question. Pas exclu, parce que avec les voitures autonomes, maintenant, il n'est pas exclu qu'on puisse complètement revoir les règles du trafic routier. Mathieu Novak, on reste dans les histoires de trafic routier, mais avec des rats cette fois-ci, qui conduisent en plus. Eh ben oui, figurez-vous que les rats, ils peuvent apprendre à conduire, et même qu'ils aiment ça. Alors ça se passe à l'université Richmond, aux États-Unis. Les chercheurs ont appris à 17 rats à conduire des voitures miniatures. On pourrait appeler ça des rats mobiles. C'est une sorte de boîte de plastique avec 4 roues et 3 leviers. Un pour avancer, un pour la gauche, un pour aller à droite. Donc les souris étaient récompensées par de la nourriture si elles roulaient longtemps comme ça. Ouais. On a prévu qu'elles aimaient ça, c'est-à-dire que quand elles conduisaient, contrairement à nous, comme on a entendu dans le son tout à l'heure, elles se calment. Quand elles conduisent, elles produisent des hormones relaxantes. Ah oui, ça leur fait du bien, ça les apaise. Ça les apaise. Mais on ne sait pas s'il y a des embouteillages chez les rats. Non, chez les rats, a priori, il n'y en a pas, mais en tout cas, ils étaient motivés par la nourriture. Cécile Bonneau, la longévité augmente quand on a des enfants. Oui, figurez-vous que les personnes sans enfants ont une moins bonne espérance de vie que les parents. Alors, on avait déjà remarqué cet état de fait, mais là, il s'agit d'une étude de grande ampleur portant sur 4 millions de Suédois nés entre 1915 et 1960. Alors, une première explication à cet état pourrait être que les femmes ont un peu moins de risques de développer le cancer du sein ou de l'utérus quand elles ont un enfant. Mais ça ne marche pas car les pères sont aussi concernés et surtout, les parents adoptifs sont aussi concernés. Donc, d'autres hypothèses existaient, elles ont été balayées par cette analyse très poussée et l'interprétation qui colle le mieux, c'est que les gens qui ont des enfants ont en fait, dès le départ, une meilleure espérance de vie que les autres. Notamment, ils ont des meilleures conditions de vie et c'est ça qui les pousse à avoir des enfants. Donc, ils ont une meilleure santé. Donc, voilà, ne vous précipitez pas pour faire des enfants. Ce n'est pas les enfants qui donnent la santé, c'est la santé qui donne des enfants. Ah oui, c'est presque philosophique, Cécile Bonneau. À découvrir dans vos magazines respectifs. Mathieu Novak pour Science et Avenir. Oui, un thème de saison de la Toussaint, ce que la science sait de la mort. Couverture du journal qui vient de sortir. Ouais, ça s'annonce passionnant, ça. Et Cécile Bonneau pour Science et Vie. Et nous, un thème de printemps pour rester positif. Ouais. Les arbres pourraient nous sauver. Les arbres pourraient sauver la Terre. Merci à tous les deux. On lira ça avec intérêt. Après le flash, nous allons partir avec la primatologue Sabrina Krief, observer les chimpanzés dans l'épaisse forêt de Kibale en Ouganda. Depuis de nombreuses années, elle étudie les interactions sociales et le comportement d'un groupe de chimpanzés sauvages dont elle a gagné la confiance et qui la laisse les approcher. Elle va nous raconter ce que ses années d'observation lui ont appris sur ces grands singes. Nous pensons que le but de la science est de servir l'humanité. Alors que manifestement pour vous, la science n'est que poudre aux yeux ou arnaque. Standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation, an open invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside them, got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. Look at you, needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover-up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help, wow. Hills burn in California, my turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. C'était All the Good Girls Go to Hell, Billie Eilish sur France Inter. Et merci à Antoine Gomez, Louis Audebert et Nicolas Delmas qui sont à la technique avec nous aujourd'hui. On se retrouve juste après le flash avec la primatologue Sabrina Krief pour partir sur la piste des chimpanzés en Ouganda. À tout de suite.